Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le film Heaven's Gate, peut-être le plus grand flop de l'histoire du cinéma. Je crois que les Américains n'ont pas supporté qu'on touche à ce qui représente l'essence même de la nation américaine. Je crois que les Américains, vous savez, ils sont très patriotes, en fait. Et là, le film touchait vraiment aux principes fondamentaux de ce qui a toujours fait la gloire de l'Amérique, si vous voulez. Pour une fois, pour la première fois peut-être dans un film, on disait que l'Amérique n'était pas cette terre d'accueil et de liberté qu'elle disait avoir toujours été. Isabelle Huppert à la télé suisse en 1983. Isabelle Huppert qui était de l'aventure de Heaven's Gate, la porte du paradis en français, et qui a toujours défendu le film de Michael Cimino. Le film a-t-il été injustement traité par la critique, comme le laisse entendre l'actrice française dans cet extrait? Ça se discute, mais une chose reste certaine, le tournage et le montage de ce film se sont vite transformés en véritable cauchemar. Un cauchemar qui s'est traduit par un désastre financier qui a mené le studio United Artists au bord de la faillite. The lore of Heaven's Gate, the lore of Heaven's Gate is don't make a movie like that. La leçon de Heaven's Gate, c'est qu'il ne faut pas faire de film comme ça, parce qu'il viendra à bout de vous. La leçon d'Heaven's Gate, c'est le désastre. On peut prétendre qu'après Michael Cimino, le règne du réalisateur était terminé. Il a été, seul, à tort ou à raison, le signal qui a dit à tous, à partir de maintenant, on ne laissera plus jamais les réalisateurs avoir autant de pouvoir. He single-handedly, whether fairly or unfairly, was the signpost that said, from now on, we're not going to let directors have that kind of power anymore. Extrait de la bande sonore du film Heaven's Gate. Vous entendiez aussi dans cet extrait le producteur Chris Mankiewicz dans le documentaire Final Cut, The Making and Unmaking of Heaven's Gate, réalisé par Michael Epstein en 2004, pour nous raconter le spectaculaire naufrage d'Heaven's Gate. Je reçois le chroniqueur cinéma Georges Privet. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, ce film-là, Heaven's Gate, La Porte du Paradis en français, occupe une place très particulière dans l'histoire du cinéma. On devine un peu laquelle déjà, mais de quelle manière ce film-là se distingue-t-il? Bien, il se distingue au moins pour trois raisons. La première, c'est qu'il a poussé au bord de la faillite la compagnie United Artists, qui était une des plus vieilles et des plus respectées d'Hollywood, fondée en 1919 par Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et le réalisateur D.W. Griffith. Donc, c'était une compagnie qui était chargée d'un poids symbolique très grand parce que c'était une compagnie formée par des créateurs et pas par des financiers, ouais. Et qui mettait de l'avant la signature de l'auteur. Donc, pendant très longtemps, elle a symbolisé vraiment le cinéma d'auteur américain fait en liberté et avec beaucoup de succès, parce que même si la United Artists avait produit plusieurs succès au box-office, celle qui distribuait les James Bond, les Rocky, les Pink Panther, elle avait aussi des relations exclusives avec beaucoup de metteurs en scène comme Martin Scorsese, comme Stanley Kubrick, comme Woody Allen, comme Francis Ford Coppola, qu'elle laissait généralement opérer en totale liberté. Donc, c'est important sur ce plan-là. C'est important aussi parce que son échec a mis fin à cet âge d'or, justement, du cinéma américain des années 70, un cinéma d'auteurs opérant en grande liberté et aussi avec beaucoup de succès financier. Cette période-là, les années 70, c'est vu comme le second âge d'or du cinéma américain et il s'est littéralement arrêté avec la sortie et l'échec cuisant d'Heaven's Gate. Et aussi parce que, bon, je pense que c'est dans l'histoire des flops cinématographiques un film vraiment à part parce qu'il a été fait, disons, dans un climat où la liberté s'est vite transformée en laisser-aller d'une manière véritablement catastrophique. C'est vraiment devenu, pour les Américains, un titre de film dont la seule mention suscite la frayeur. Dans un studio américain, ce qu'ils ne veulent plus avoir aujourd'hui, c'est un Heaven's Gate. On écoutait Isabelle Huppert il y a un instant, au tout début de l'émission. Un petit mot sur ce qu'elle disait. Elle défendra toute sa vie, elle continue de défendre ce film-là aujourd'hui encore, qui va avoir une deuxième vie, on y reviendra un peu plus tard, là, au début des années 2000. Elle disait, les Américains n'ont pas accepté pour elle ce flop-là. C'est le fait que les Américains ne veulent pas voir ce qu'on leur présente. Ils ne veulent pas accepter d'être dépeints comme on les dépeint dans ce film-là. Petite parenthèse, mais ça raconte quoi, le film Heaven's Gate? Ça raconte essentiellement la Johnson County War, c'est-à-dire un conflit armé extrêmement violent qui éclatait dans le comté de Johnson au Wyoming en 1890 et qui opposait d'un côté les propriétaires terriens très riches, les capitalistes de la place, et les immigrants qui étaient venus chercher à s'établir dans ce coin-là et cultiver leurs terres, à s'approprier une partie du rêve américain. Et ce conflit-là, extrêmement violent, est raconté à travers l'amitié et l'éventuelle rupture entre deux amis de longue date, joués par Kris Kristofferson et John Hurt, qu'on suit au début du film à Harvard et qu'on retrouve dans l'Ouest américain 20 ans plus tard. Donc, Isabelle Huppert a raison, en tout cas, que sur le fait que le film renvoyait de l'Amérique une image assez terrifiante, assez sanguinaire, assez protectionniste. De fermeture absolue à l'immigration. Et une terre qui n'était pas, où tout le monde n'était pas traité également, disons. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Revenons à ce bijou, à ce diamant dont vous parliez, qu'était la United Artists, avec tout ce que ça a voulu dire au cours des années. Parlons un petit peu du contexte dans lequel va être produit Heaven's Gate, pourquoi la United Artists se lance là-dedans, et où en est cette compagnie-là au moment où on produit Heaven's Gate. Cette compagnie-là a beaucoup de succès jusqu'à la fin des années 60, où comme beaucoup de compagnies de cinéma, elle est rachetée par les grands conglomérats. Et là, les patrons de la United Artists de l'époque, Arthur Krim et Eric Pleskar, ont de plus en plus de mal à composer avec la direction de la Trans-America Corporation, qui a absorbé la United Artists. Et à un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils déclarent qu'ils vont quitter, tout simplement. Ça suscite une lettre de soutien de 67 cinéastes, à peu près les plus grands noms du cinéma américain de l'époque, qui disent à Transamerica, vous allez perdre vraiment des gens qui gèrent bien les choses. Ça ne change absolument rien. Et on nomme à la place de ces deux dirigeants-là deux jeunes exécutifs, David Field et Stephen Back, qui vont prendre la direction de ce studio et qui ont tous les deux, ni l'un ni l'autre, ils ont très peu, pour pas dire aucune espèce d'expérience de la production concrète de films. Ouais. Et c'est là-dedans, je pense, qu'on peut trouver vraiment les germes de l'échec et de la catastrophe d'Heaven's Gate. On parle de deux hommes très intelligents qui ont une courte expérience, sont tous les deux très jeunes, et ils n'ont ni l'un ni l'autre jamais participé à la production active d'un film, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, quand eux arrivent, ils veulent faire leur marque, ils veulent se distinguer des gens qui les ont précédés en allant chercher quelqu'un de nouveau à amener à United Artists. Et à ce même moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Michael Cimino qui vient de faire un film qui s'appelle The Deer Hunter, dont on dit énormément de bien. Et donc, il voit ce film, il va être récompensé par 5 Oscars, il va rapporter plus de 30 millions de dollars, ça va devenir un très beau succès. Et l'exemple, peut-être, d'un nouvel auteur qui émerge, ils se disent, faut qu'on soit en affaire avec Michael Cimino. Donc, ils sont prêts à aller le rencontrer. Cimino leur ressort son scénario du Johnson County War, qu'il avait écrit quelques années plus tôt et dont personne ne voulait. Mais maintenant, auréolé par les Oscars et tout ça, tout d'un coup, on se l'arrache. Et là, ils disent, bon, d'accord, on va faire ce film. Ils s'entendent sur un budget d'11 600 000 $, une durée maximale de 2h30. Michael Cimino, il donne à Michael Cimino le droit très convoité du final cut, c'est-à-dire que son montage est celui qui reste, c'est sa vision qui sera intégralement à l'écran. Et c'est là que les problèmes commencent. Et ça commence très vite. En fait, dès le moment où on commence à tourner le film, ces jeunes producteurs un peu verts vont comprendre dans quelle galère ils se sont embarqués pour justement qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Très concrètement, jour après jour, et Dieu que ce sera long sur le plateau, voici à nouveau un extrait du documentaire Final Cut, The Making and Unmaking of Heaven's Gate, dans lequel vous allez entendre cette fois les acteurs Brad Dourif et Jeff Bridges. Je ne suis pas habitué de faire 50, 57 prises, vraiment pas. Et je ne suis pas habitué de faire un minimum de 32 prises. Et voulait essayer différentes méthodes. C'était comme un atelier de cinéma. Nous avons fait la version joyeuse, puis la version triste, puis la version en colère. Chaque scène était faite à des degrés tels qu'on ne finissait jamais par enregistrer la prise ultime. Il fallait faire beaucoup de choix. I mean, each scene was taken to these degrees beyond which you weren't going for the ultimate take, you were going for a lot of choices. I'm sure the reason for the multiple takes. Je suis certain que la raison des prises multiples des différentes scènes était son souci du détail et du travail bien fait. Pour lui, le film allait durer et traverser le temps. That it was going to last. That this was something for the ages. On en a déjà une petite idée avec une bonne idée, avec ce qu'on vient d'entendre, Georges Privet, de ce qui ne marche pas sur ce plateau-là. Mais en fait, rien ne marche sur le plateau. Rien ne marche parce que je pense que Michael Cimino veut faire un film vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il a dit à tout le monde qu'il allait faire le Gone with the Wind, le Autant n'emporte le vent du western, le Lawrence d'Arabie du western. Il a mis la barre très, très, très haute. Et il est un maniaque pour le détail authentique. Je vais vous donner un exemple qui donne une idée des problèmes dans lesquels la production va s'embarquer. Il veut une locomotive d'époque existe encore à l'autre bout des États-Unis. Alors, pour l'amener au Wyoming, il faut la transporter, l'aéroporter, parce qu'elle n'est pas de la même taille que les rails qui existent dans la ville où on est en train de tourner. Et après ça, il faut refaire les rails dans la ville où on est en train de tourner. Tout est fait. Parce qu'il veut cette locomotive. Il veut cette locomotive-là. L'endroit idéal pour le tournage, ça donne à être à 3 heures de transport du seul lieu habitable. Donc, tous les jours, l'équipe doit faire 3 heures à l'aller, 3 heures au retour. Il y a une scène de danse sur patins à roulettes. Il veut les patins à roulettes d'époque, de la fin du 18e. Il en fait acheter des centaines de paires. Ça devient très vite démentiel. Et il y a ce souci des prises qu'il refait 52 fois, 57 fois, 63 fois, tant et si bien que après 6 jours de tournage, ils sont déjà en retard de 5 jours. Et après 12 jours de tournage, ils sont en retard de 10 jours. Ouais. Et là, très vite, le dépassement du budget devient $1 million par semaine, $200 000 par jour. Incroyable. Et à ce moment-là, il tourne 1 minute ou 1 et demie de films utilisables par jour. Alors très vite, les comptables à la United Artists réalisent qu'ils sont en face d'un désastre monumental, que s'il tient ce rythme-là, le film va coûter $50 million. Et ce sera pas loin, en fait. Et ce sera pas loin, effectivement, l'estimé final. Et là, ça devient très difficile pour les deux jeunes dirigeants de United Artists qui connaissent pas grand-chose à la production et qui savent pas du tout comment juguler, contrôler un espèce de fou comme Cimino. Et que peuvent-ils faire, en fait? Ben, ils se retrouvent en face de 3 options. Ils vont parler aux anciens, à ceux qui ont de l'expérience, et qui vont les référer à des cas célèbres. Il y a l'option Cléopâtre, le célèbre film avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, qui avait été une catastrophe, et où, par miracle, les gens de la 20th Century Fox avaient laissé aller les choses, et le film était devenu, malgré tout, vraiment par miracle, un assez grand succès pour renflouer le studio. Mais le studio avait été fermé dans les faits pendant 3 mois. Il n'y avait plus d'argent pour payer les gens. Donc, c'est compté sur un miracle. Ils décident sagement que ce n'est pas une très bonne idée. Ça n'arrive pas si souvent. Ça n'arrive pas très souvent. La seconde option, c'est ce qu'ils appellent l'option Queen Kelly, qui était un film d'Eric von Stroheim, dont le coût avait explosé dès le début. Et on avait décidé très rapidement de renvoyer von Stroheim et de finir le tournage avec un tâcheron. Ce qui, dans le cas d'un type qui vient de gagner 5 Oscars, leur semble pas non plus une très bonne idée. Ouais. Ça les laisse face à la dernière option, qui est l'option Apocalypse Now, qui est un autre film au tournage très tourmenté. Mais de dire, d'accord, surveillons-le d'extrêmement près, jour par jour, et espérons qu'à l'arrivée, le résultat en vaudra la peine. Ouais. Ben, on va en parler du résultat. Comment il est accueilli, ce fameux film, à sa sortie? Ben, il faut dire que les gens de la United Artists s'accrochent tout au long de ce tournage infernal où Cimino se fait vite surnommer l'Ayatollah par son équipe, tellement il est autoritaire et dictatorial. Ils se raccrochent à l'espoir que ce sera un chef-d'œuvre. Et quand ils finissent par voir le film qui est censé durer 2 heures et demie, il dure 5 heures et demie. Et Cimino les informe qu'il peut peut-être couper 15 minutes. Ouais. Et quand il voit le film, là, c'est la déconvenue totale. Il réalise que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est très loin d'être un chef-d'œuvre. Le cauchemar se poursuit et il va se poursuivre pendant 1 année de post-production où Cimino va tenter tant bien que mal de ramener le film près des 2 heures et demie. Il va finir par durer 3 heures et demie. Il va sortir 1 an après la date de sortie prévue. Et là, à la première, le public et la profession l'accueillent avec une froideur, pour pas dire un mépris, totale. Face à l'ampleur de la catastrophe, Cimino n'a pas le choix que de réaliser que quelque chose ne va vraiment, vraiment pas. Après une semaine d'exploitation en salle qui est désastreuse, il demande la permission, c'est sans précédent, au directeur de la compagnie, de ressortir le film des salles, de lui donner 6 mois pour le ramener à une longueur de 2h30, qui devait être sa longueur initiale. Et là, après ces 6 mois, le film ressort et est un bide encore intégral, tant et si bien qu'à l'arrivée, Heaven's Gate, qui aura exposé 220 heures de pellicule, ce qui est presque un record historique. Ça veut dire une moyenne de 100 prises par plan. Ouais. Et qui aura coûté 44 millions de dollars, aura rapporté au box-office 3 millions et demi. Incroyable. Donc, échec sur le plan de l'exploitation commerciale, échec retentissant. Si ce n'était que ça, échec, cela dit, qui va, pour ainsi dire, mettre ce studio légendaire en faillite. Ah oui, absolument. Ils perdent la capacité de produire quoi que ce soit. Oui. Ils vont distribuer des films pendant encore une vingtaine d'années. Ils vont réessayer timidement d'en produire autour des années 2000. Mais dans les faits, c'est une compagnie qui vit sur son catalogue, sur son passé. Oui. On a parlé des James Bond, des Rocky, tout ça. Ils n'ont plus la capacité vraiment de produire. La compagnie Transamerica déclare forfait, dit que le film est un échec 2 jours après sa sortie, le fait passer dans ses pertes. Pour eux, c'est rien. C'est littéralement rien, 44 millions de dollars. Ils vont perdre... Parce que United, pour ce conglomérat, c'est une goutte dans l'océan. C'est une goutte, absolument. C'est rien du tout. Ouais. Et ils vont perdre littéralement 0,5 point en bourse qu'ils vont regagner le lendemain. Donc, pour eux, c'est rien du tout. Mais pour le cinéma américain, ça a des résonances, ça a un impact absolument incroyable qui dure encore aujourd'hui. Ouais. Parce que la liberté du cinéma d'auteur, là, vraiment, a été vue comme une chose... inadmissible, insupportable, qu'il faut absolument contrôler. Et à l'époque, les gens comme Scorsese, comme Coppola, voient tout d'un coup le vent tourner. Ouais. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs, presque, Heaven's Gate au cours des dernières années. Tout le monde, ou presque même les gens qui font toujours des succès, comme Steven Spielberg, il a eu un flop retentissant qui s'appelait 1941. William Friedkin, qui avait fait L'Exorciste, entre autres choses, et French Connection, a fait lui aussi un grand flop qui s'appelle Sorcerer, qui est pourtant un très bon film. Scorsese a eu son New York, New York, qui était un bide aussi. Ouais. Donc là, tout d'un coup, les studios sont pris d'une peur panique. Et là commence l'époque de la gestion du cinéma d'auteur, une gestion serrée. Et en même temps, le cinéma dans lequel on vit maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma qui prend beaucoup moins de risques. Le cinéma des suites, le cinéma des produits dérivés, des séries de films, des univers à la Marvel. Un cinéma de studio, de producteur. Absolument, qui vise absolument le succès public et rien d'autre. Ouais. Et ça, c'est directement imputable à Heaven's Gate, parce que littéralement, comme disait Martin Scorsese, on a senti le vent tourner d'un seul coup. Tout le monde a payé pour Cimino, finalement. Oui, absolument. Tout le monde a payé pour Cimino. Cimino aussi, lui d'ailleurs, a payé parce que ça lui a pris 6 ans avant de faire un autre film. Et par la suite, il a fait des films dont il a scrupuleusement respecté les budgets et les horaires. Certains, comme The Year of the Dragon ou Le Sicilien, ont eu des succès modestes, mais il n'a jamais retrouvé la gloire de The Deer Hunter, qui reste vraiment son classique. Mais les effets sur les studios se font sentir encore à ce jour. Je dirais que c'est ultimement la plus grande importance historique de cet échec et de ce film-là. C'est son legs, c'est ce à quoi il a mis fin. Parce qu'on est encore dedans. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui, face au cinéma qui est le nôtre, comment se fait-il qu'on n'ose pas prendre des risques et comment ça se fait qu'on laisse pas des gens qui ont manifestement du talent, comme Coppola et compagnie, faire des films. La raison, c'est très simple, c'est Heaven's Gate. Ce qui est assez cynique, parce qu'en même temps, ce modèle que vous décriviez, ce studio, qui était une boîte de cinéma traditionnellement, United Artists, a été absorbé par un conglomérat qui fait toutes sortes de choses. Pour eux, United Artists, c'était une de leurs activités. Mais ça, ce modèle-là, il a été repris à Hollywood. Les studios appartiennent à de grands groupes. Pour qui 44 millions, c'est rien, mais pourtant, on a quand même fermé le robinet. On ne veut plus donner trop de pouvoir aux auteurs, aux réalisateurs. Absolument, parce que ces gens-là, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une source de revenus stable et fixe. C'est le meilleur moyen qu'elle soit stable et fixe, c'est de faire essentiellement le même produit, comme si on produisait des chaussures, des voitures ou un bien de consommation quelconque. Cimino, il va quand même... ça va l'obséder, cette affaire-là. On le comprend bien, c'était sa grande ambition. Il va être obsédé par ce flop, cet échec toute sa vie. Et il va remettre la main à la pâte, ce qui fait qu'en 2012, le film reprend l'affiche en version revue et corrigée, la version ultime de ce film-là. On retrouve Isabelle Huppert, qu'on entendait au tout début de l'émission à la télé suisse, qui défendait le film de Cimino en 83. Rebelote, elle est là, en 2012, à la première du film, au Festival Lumière de Lyon, et elle continue de le défendre, ce film. Je suis contente d'être dans une grande salle pour un grand film. C'est un moment particulier que je vais vivre avec vous tout à l'heure, en regardant ce film, qui est un moment extraordinaire dans ma vie d'actrice. Et puis je crois que ce film a été victime d'une injustice, voilà, d'une injustice historique. C'est un film qui a une histoire très compliquée avec son propre pays, avec aussi malheureusement le reste du monde, parce qu'à l'époque, il n'avait même pas été non plus très bien accueilli par l'Europe. Et voilà, ça arrive comme ça, des erreurs qui, un jour ou l'autre, sont réparées. Et je crois que c'est un petit peu le début de cette réparation aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un moment particulièrement important, émouvant d'être là. Et tout ça, c'est grâce à Michael Cimino, voilà, qui est un immense metteur en scène. Alors, comment il sera reçu, Georges Privet, cette ultime version de Heaven's Gate, revue et corrigée par Cimino en 2012? C'est un navet, au bout du compte, ou c'est un chef-d'œuvre incompris, comme le dirait Isabelle Huppert? Bien, beaucoup de pays européens, la France en particulier, vous diraient que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est ressorti en salle en France, où il a été acclamé essentiellement comme un chef-d'œuvre. Les Anglais l'ont beaucoup apprécié aussi. Les Américains restent aussi indifférents à son charme, et personnellement, je les comprends, parce que je pense que c'est un film qui est extrêmement bien fait, et extrêmement bien fait à grande échelle au niveau technique, au niveau des décors, au niveau des costumes. Il y a un soin là qui est absolument incontestable. Elle est belle, la locomotive. Elle valait la peine, la locomotive, jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est le scénario, et ça a toujours été le scénario. On comprend que Cimino a eu du mal à essayer de le monter au début des années 70, que tous les studios aient refusé ce scénario. Pas parce que son message est particulièrement confrontant pour l'Amérique ou déprimant, tout simplement parce qu'il n'est pas très prenant ou intéressant. Ouais. Alors, c'est un film magnifiquement exécuté, mais au niveau du contenu, à mon avis, il reste assez moyen. Ceci dit, il est fait à une échelle et avec un faste qui le rend assez spectaculaire. Voir ça, c'est un peu comme voir les chutes du Niagara, si vous voulez. Il y a vraiment des moments de stupéfaction. Est-ce que ça en fait une œuvre cinématographique réussie? Malheureusement, je ne pense pas. Et ce qu'on retient d'abord et avant tout, quand on regarde l'histoire du cinéma, c'est l'impact qu'il a eu sur un studio et sur toute cette industrie et ce cinéma d'auteur dont vous nous parliez. Georges Privet, chroniqueur cinéma à notre antenne et à la revue L'Inconvénient, merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.